Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Nous, faut que je vende pas les putains en école. Os pour les douilles, coulons, comme en fumée picole. On se calme, on se bute, on décolle, on tacle, on déconne, des tonnes. De douleur à chacune, ça détonne dans les boomers. PSN ou Corleone, sans béton, t'as les bunkers, TTR, le nom de ma faune. Brooklyn, sous le nom de ma zone, faut que ça résonne. Dans ta tête, tu couches le gueule, à en devenir à faune, bah ouais. Ouais, ça m'affole de voir de frangins qui se la donnent. Faut de la drogue, ça cagole, ou encore à faire le pactole. Rien de drôle, je vends des faux MC, des faux gangsters qui jouent un jeu de rôle. Et ça s'invente une vie, donc on t'en sert. Si j'ai pris le mic, c'est pour crier en silence. L'insolence de mes peines a déjà goûté mon innocence. On cherche un sens à plein de choses, plongé dans l'inconscience. On pique en transgarde la France pour 16 mesures intenses. 16 mesures intenses pour pas crever ou devenir fou, frère. Pendant que certains dansent, ben nous on chante tout ce qu'on a souffert. Sous terre, on pense nos morts et plus camper. Souvent sous tête, parce qu'ici sans sous, on fait cramper. On pense à nos remparts et on fait que déraper. Gros, on crache nos peines dans le pleura. Chacun sa thérapie, face à la merde depuis petit peu. Dans l'entourage, y'a que des rapis. Ouais, poto, on se verra comme un brave. Face à la merde depuis petit peu, j'ai jamais chialé sur mon sort. J'encaisse la vie, tous ces coups bas. Suffit pas d'une dora pour qu'on s'en sorte. Comme on se t'éprend forme, zéro rime sans douleur. Et la couleur s'annonce, c'est rouge vif, tout comme le bout de mon buzz. Frère, que dire de plus, à part que c'est la même. C'est la merde, pognon sale, BR, pilon découpé en lamelles. On prend ce qu'on nous amène et on sert si à foy. J'ai croisé des gens sur ma route, j'aimerais descendre quand baigner dans la foule. Je vois tous ces bolos faire les fourrés. RAP véritable, ouais, on fournit l'effort et pose nos couilles. Un couille, j'ai l'air qu'à force nager dans la merde, on s'y habitue. Tout le temps jugé sur l'apparence ou sur nos aptitudes. Que des citernes donnent le collal, même on peut attitude. Les faire tirer pour le fun, connu des tubes, car que des thunes, faut faire des thunes. Ouais, grailler sur le gâteau, car m'intéresse. Si t'as un bon plan, BRAP tes potos, ça m'intéresse. 16 mesures intenses pour pas crever ou devenir fou, frère. Pendant que certains dansent, ben nous on chante tout ce qu'on a souffert. Sous terre, repose nos morts et plus camper. Souvent sous terre, parce qu'ici sans sous, ben on fait cramper. On pense à nos remparts et on fait que déraper. On crache nos peines dans le pleura. Chacun sa thérapie, face à la merde depuis qu'il peut. Dans l'entourage, y'a que des rapis. Ouais, poto, on se verra comme un brave pit. Ouais, poto, on se verra comme un brave pit. PSN ou Corleone, hein. De T1R Squad. Le 014, c'est la tempête. Pour 2015, ma gueule. TSJS, Zou. Yeah. L'Express tire la prod, hein.